des fois l'amour prend vie, où la palesse l'amour grandit. Mon sentiment t'es fort, t'es pas pour faiblir, où la joué plusieurs rôles et tout détruit. Pars, retourne pis en arrière, oublie à moi. Ramasse toutes tes affaires, fais autre chemin. Mais va relève de bout en laissant à moi. Même si ordi de la rupture mine à chagrin. Fini le nombre de fois mes pas sur une connerie. Le nombre de fois mes larmes, mes pleurs, mes cris. Toutes les fois qu'on disait pardon chérie. On a l'audace de croire que ça y oublie. Non mais veux plus croire.